Salut à tous, bienvenue dans l'Europodcast, un nouveau rendez-vous que j'essaierai de vous faire aussi régulièrement que possible et qui reviendra sur l'actualité du concours Eurovision de la chanson qui, comme vous le savez, vit toute l'année et pas seulement au mois de mai. On reviendra également sur des moments marquants de l'Eurovision en guise de petit coup d'œil dans le rétro. Et pour aujourd'hui, ce sera l'occasion de revenir sur l'Eurovision 1999, dernière édition qui s'est tenue en Israël. C'est une transition absolument parfaite que je vous fais là, puisque le premier sujet que je vais aborder pour cette première, c'est l'Eurovision 2019 qui lui aussi est censé se tenir en Israël suite à la victoire de Netta au Portugal. Je dis bien censé, car c'est un petit peu le flou artistique autour de la tenue même du concours, et ce dès le soir de la victoire israélienne cette année. La chanteuse Netta avait crié « L'an prochain, on est à Jérusalem » après sa victoire, le premier ministre Benjamin Netanyahou a fait la poule en arrivant dans une réunion à Jérusalem dès le lendemain, bref, les signes allaient tranquillement dans le sens d'une nouvelle édition de l'Eurovision dans la ville sainte. Oui, mais voilà, quelques jours plus tard, la dure réalité revenait au galop, notamment via le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et vous avez certainement suivi les terribles images des affrontements dans la bande de Gaza à ce moment-là, et bien que ce ne soit pas le rôle de l'Eurovision que de se mêler de politique, il faut bien se rendre à l'évidence que c'était parti pour être complètement le cas cette année. L'Eurovision a toujours servi de promotion pour les différents pays organisateurs, et aussi parfois de levier politique. Rien de bien étonnant donc que ce soit de nouveau le cas à Jérusalem. Mais là où l'édition 1999 s'était déroulée sans trop de problèmes tout au long du processus, on y reviendra plus tard. Ici, l'escalade de la violence entre Israël et la Palestine rend bien entendu tout cela plus tendu. Là, évidemment, je vous fais tout ça en version très courte, ça n'est pas mon rôle, bien sûr, que de parler de politique, et de géopolitique même au sens large du terme, je suis évidemment pas qualifié pour ça. Plusieurs pays ont menacé de boycotter le concours, ce qui a mené l'Union Européenne de Radiodiffusion à préciser qu'elle souhaitait que l'Eurovision se passe dans une ville ne provoquant pas la division, sans doute en réponse aux menaces de boycott, et rendant les chances de Jérusalem forcément plus faibles. Personnellement, je serais favorable à ce que le concours se déroule plutôt à Tel Aviv, Haïfa ou une autre ville, plutôt qu'à Jérusalem. Mais les menaces de boycott ne pèsent pas lourd selon moi, jamais un boycott n'a véritablement empêché un événement de croître et de revenir. Regardez par exemple les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou et de 1984 à Los Angeles, les JO sont toujours là aujourd'hui à ce que je sache. Mais je suis plutôt pour que l'Eurovision se passe sans heurts et surtout que la musique prenne la place centrale. On l'a vu cette année avec le Portugal, l'organisation s'est extrêmement bien passée dans les mois précédant le concours et on a vécu une situation bien différente de celle de 2009 en Russie, 2012 en Azerbaïdjan ou 2017 en Ukraine où les tensions étaient vives tout au long du processus pour des raisons différentes à chaque fois bien sûr, d'un côté on avait la politique et de l'autre les problèmes d'organisation plus basiques dirons-nous, mais c'était quand même assez énervant pendant toute l'année 2017, en tout cas jusqu'au mois de mai. Mais c'est aussi l'occasion pour Israël de montrer un autre visage. J'ai l'impression que c'est toujours Jérusalem qui sert de vitrine à l'État, comme par exemple sur la dernière édition du Tour d'Italie cycliste, le Giro qui est parti de Jérusalem. Les deux éditions de l'Eurovision en Israël ont aussi eu lieu à Jérusalem. Le changement n'est pas mal, même si, comme je vous l'ai dit en préambule, tout cela a aussi des répercussions politiques importantes. On se doute bien qu'à chaque fois, le fait de mettre Jérusalem en tant que vitrine n'est pas innocent. Le gouvernement israélien a dit qu'il n'interférerait pas avec l'organisation. La chaîne de télévision publique a annoncé avoir eu une bonne réunion avec l'UER. Bref, on ne peut qu'espérer que tout cela veuille dire que l'organisation va dans le bon sens. De l'autre côté en France, eh ben on a eu une bonne nouvelle cette semaine, puisque France Télévisions a officiellement ouvert les candidatures pour Destination Eurovision 2019, confirmant donc d'un côté la participation du pays à l'Eurovision, c'est déjà pas mal et c'était quand même assez certain, et de l'autre surtout le retour de la sélection nationale. Avec une 13e place en finale pour Madame Monsieur, et surtout des audiences pas loin d'être catastrophiques, moins de 2 millions de téléspectateurs pour la finale en janvier dernier, on le rappelle, on pouvait être en droit de se demander si l'émission reviendrait l'an prochain, même si c'était le souhait de Delphine Arnaud, présidente de France Télévisions qui était présente à Lisbonne pour la finale du concours. Je pense qu'il faudrait toutefois quelques ajustements à une émission qui était déjà très bien pensée dès la première année, ça on peut quand même saluer ITV Studio et Eduardo Grassi, qui lui-même l'avait évoqué et je suis d'accord avec lui, il faudrait vraiment que les demi-finales soient en direct et que les téléspectateurs puissent avoir leur mot à dire. Ça faisait très bizarre d'entendre durant toutes les promotions que les téléspectateurs allaient avoir leur mot à dire, Laurent Delahousse clôturant même son 20h en le disant juste avant la première demi-finale, où le public n'avait donc strictement aucun pouvoir regardant simplement une émission enregistrée. Ça permettrait aussi d'avoir un panel plus large pour la sélection, plutôt que les quelques jurys internationaux et les 3 jurés français. J'enlèverai aussi leurs interventions, dans le cas de demi-finale en direct, pour éviter d'influencer les votes des téléspectateurs, et quitte à mettre ainsi plus de chansons en demi-finale pour allonger la durée du programme s'il faut, ça reste un prime time sur France 2 un samedi soir, il faut quand même que ça ait de la consistance. Il serait bien aussi que la production et France Télévisions puissent allouer aux artistes directement la possibilité de faire un vrai show sur scène, un peu comme au Melody Festival en Suède. Dès les demi-finales, on retrouve des prestations complètes, alors que pour Destination Eurovision, il a fallu attendre la finale finale pour voir des danseurs pour tout le monde, de la pyrotechnie et ainsi de suite. Je garderai toutefois une chose de l'an dernier au moins, c'est sa programmation. En essayant même de l'avancer si possible, il faut impérativement que tout cela ait lieu avant le début de The Voice, qui reste quand même un rouleau compresseur même s'il a beaucoup perdu en termes d'audience, mais c'est surtout le cas si vous mettez un divertissement en face. La finale avait pâti de cette confrontation directe, qui certes tourne toujours en faveur de la finale de l'Eurovision quand c'est au mois de mai, mais les gens sont évidemment beaucoup moins intéressés par une sélection nationale. Pour clôturer cette première de l'Europodcast, prenons notre machine à remonter le temps et partons en 1999, une époque où on jouait au Tamagotchi, une époque où on n'avait pas Facebook ni Twitter, c'était peut-être pas plus mal, et surtout la dernière fois pour l'instant que l'Eurovision a eu lieu en Israël, et plus particulièrement à Jérusalem grâce à la victoire de Dana International. Chanteuse transsexuelle, sa victoire avait fait jaser dans le pays, vous vous en doutez, mais c'était plutôt au niveau des moyens financiers de la télévision israélienne qu'on se posait des questions dans les mois précédant le concours. Finalement, tout s'est passé correctement, et c'est 23 pays qui sont montés sur scène le 29 mai 1999, en commençant par la Lituanie et en terminant par l'Estonie. C'est une édition qui a marqué le concours pour les années à venir, avec l'arrivée de plusieurs règles, à commencer par la suppression de l'orchestre. Supprimé pour des raisons budgétaires, je vous ai quand même dit que niveau financier c'était pas top top, l'orchestre n'est jamais revenu depuis, et les artistes n'ont même pas le droit d'utiliser autre chose qu'une bande-son instrumentale. C'est une décision qui n'avait pas été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, vous vous en doutez, et même aujourd'hui pas mal de gens réclament le retour, si ce n'est d'un orchestre complet, au moins d'instruments joués en live sur scène. Ça nous éviterait pas mal de moments gênants, où on voit clairement que les mecs ne font pas vraiment de la musique. La deuxième règle était celle de la langue, l'UER décidant d'autoriser le pays à chanter dans la langue qu'il souhaitait, ce qui a évidemment donné une domination de l'anglais depuis. Personnellement, j'estime quand même que c'est une bonne chose, hein. C'est en partie ce qui a fait de l'Eurovision le show planétaire qu'il est devenu depuis, et si on était resté avec des chansons à chaque fois en langue nationale, je ne pense pas que ça aurait été le cas. C'est la Suède qui a remporté cette édition avec Charlotte Nilsson et Take Me To Your Heaven, du bon schlager comme on les aime, devant le titre Dance de l'Islande All Out Of Luck de Selma. On a eu très peur au moment où Dana International a remis le trophée à la représentante suédoise, puisqu'elle a chuté tant le trophée était lourd, causant une certaine cohue, puisque la sécurité pensait qu'un sniper avait pu la battre, imaginez! Bon, tout cela a vite été oublié, et les 23 participants sont revenus sur scène chanter Alléluia, chanson gagnante en 1979 et véritable hymne de paix. Il se passait évidemment la guerre dans les Balkans à ce moment-là, et c'est la seule fois, je crois, dans l'histoire de l'Eurovision qu'on a invité comme ça tous les participants à chanter une chanson ensemble. C'est toujours le cas aux juniors, ce qui est parfois aussi assez gênant. Voilà, c'est tout pour cette première édition de l'Europodcast, j'espère qu'elle vous a plu. Le podcast devrait prochainement être disponible sur iTunes, on y croit, mais vous pouvez déjà vous y abonner sur PodCloud, et bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube Parlons Eurovision. On se retrouve très vite, à la prochaine. Ciao !